parce que je leur ressemble pas. La marche arrière est cassée, personne ne la répare. Je parle avec un regard, pas besoin de les voir. Je me déplace dans la brousse, discret comme un guépard. 4h du mat en cabine et moi je broie du noir. Me cassez pas les couilles si je suis de mauvaise humeur. La journée je fais des sous et je sors quand vient le soir. Je me balade de ville en ville, je suis comme une rumeur. Je préfère être craint et détester tous ces suceurs. Des fois je réveille tous mes démons, c'est rare que je fasse preuve de douceur. Besoin de prendre l'air, j'aime pas l'humain, j'aime bien être tout seul. J'attends pas qu'on me tende la main, donc j'ai pas parti des losers. Pris comme un loup au clair de lune qui sur le chemin perd sa meute. Aujourd'hui je suis caché derrière la dune avant de faire une émeute. J'entends la foule entre eux qui kiffent faire des messes passes. Et moi perso ça me dérange pas mon vieux, j'ai juste besoin d'espace. Faut qu'on brasse et qu'on fasse du papier avant de disparaître. Fini l'époque où moi je marchais à pied et je vendais 10 parettes. Je suis la bête noire, le sujet de conversation des rageux. Et je veux la gloire, même si mon passé est marécageux. Je suis la bête noire, ils m'appellent le loup dans la bergerie. Je suis pas le mouton qui écoute leur chercherie. Je suis la bête noire, celui que tout le monde déteste parce qu'il est différent. Pas besoin d'équipe, je suis mon sergent différent. Je suis la bête noire, me cassez pas les couilles, je suis sur les nerfs. J'ai marché seul donc en vrai je suis la bête noire. J'ai les gros aiguisés et puis j'ai trop la dalle. J'ai compris que personne renvoie la balle. À quoi ça sert de donner trop d'amour quand les amis te baisent? À quoi ça sert de se promettre à la mort si tes frérots te blessent? Faut rester fort psychologiquement pour devenir un chef. Généralement ça finit tragiquement même si ton pote te check. Tellement déçu que j'ai l'impression que je suis redevenu une bête sauvage. On me dit que la planète est ronde, j'ai l'impression qu'elle est ovale. Je connais des gars pourris jusqu'à l'os qui te baisseraient pour pas win. L'évolution marche à l'envers, je crois qu'il s'est trompé Charles Darwin. Que des chemettards qui veulent grailler sur le steak et puis tu sais la moelle. Maintenant tout le monde veut faire gonfler les pecs pour être beau sur la toile. Et vu que moi je pense pas comme eux, ils diront que je suis un cas à part. Mais c'est la qui fait que Mino, je voulais ma première paire capote. Au placard, je mangeais des rapports et puis j'ai goûté au mitard. Mon cerveau c'était Pearl Harbor quand je faisais chanter la guitare. Bang, je suis même pas désolé de leur avoir fait du mal. Je réécrirai le conte de Monte Cristo comme Alexandre Dumas. Il faut qu'on brasse et qu'on fasse du papier avant de disparaître. Fini l'époque où moi je marchais à pied et je vendais 10 parettes. Je suis la bête noire, le sujet de conversation des rageux. Et je veux la gloire, même si mon passé est marécageux. Je suis la bête noire, ils m'appellent le loup dans la bergerie. Je suis pas le mouton qui écoute leur chercherie. Je suis la bête noire, celui que tout le monde déteste parce qu'il est différent. Pas besoin d'équipe, je suis mon sergent différent. Je suis la bête noire, me cassez pas les couilles, je suis sur les nerfs. J'ai marché seul donc en vrai je suis la bête noire. J'ai les crocs aiguisés et puis j'ai trop la dalle. J'ai compris que personne renvoie la panne.